allô? Ouais, Gounou, c'est ça. Alors, ça raconte quoi? Bah, en ce moment, pas grand chose à raconter. En ce moment, ça raconte. Je vais te raconter l'histoire de cette jeunesse si belle et si fière. Ça se pille sur le terrain, défonce des pas de 26 bières. Ça s'envoie des passeports qui t'a finir sur une civière. On s'appelle sorte nos rêves, en fait, n'étaient que des chimères. L'équise des recherches, vaudrait mieux que tu penses à affiler. Les taux se resserrent, poteau, bientôt, c'est le coup de filet. L'équise des rentrées tire, tu sens la bastos t'enfiler. T'es dans l'ambulance et là, tu vois ta vie défiler. Putain, faut vite qu'on bouge, qu'on s'arrache de cette planète. Je vois la vie en rouge, poteau, à travers mes lunettes. Et oui, je l'ai déjà dit, je demande notre système lunaire. T'as qu'à voir ma photo, poteau, je suis assis sur la terre. Aujourd'hui c'est mon heure, devant chez moi il pleut des billets. Je les vois tomber du ciel, poteau, et ça part milliers. Je te l'ai dit, ma gueule, en 2011, à mon tour de briller. Voir enfin les billets. À mon tour de briller. Et ouais, dealer. De Montpellier à l'Afrique. Black Os Goulou, un souvenir nostalgique.